Pour obtenir des informations concernant les points d'accueil de la préfecture de police, faites le 0. Les titres d'identité et les autorisations de sortie du territoire, faites le 1. Les titres de séjour, faites le 2. Les pré-fourrières et fourrières, faites le 3. Le recrutement à la préfecture de police, faites le 4. La prévention et la sécurité, faites le 5. Le permis de conduire et la carte grise, faites le 6. Les autres démarches, faites le 7.